Naissance d'un arbre par Charles Sylvestre. Une surprenante aurore de novembre change en fleurs la feuille mourante des arbres. La couleur se met à parler plus ardemment que nul oiseau de ce monde. L'été sans bornes de la Saint-Martin tourne au doigt d'une petite fée inconnue. Alors, l'azur pâle est favorable aux corbeaux rassemblés avant l'hiver. L'un d'eux, plus robuste et plus âgé que les autres, volait au vent d'un pareil matin. Son plumage noir avait une trompeuse blancheur, à cause de l'oblique soleil qui le frappait par moments, sans pouvoir le pénétrer. Il planait devant sa troupe, le cou tendu, les yeux éblouis, gorgés d'une force qui lui donnait l'envie de jeter à plein gosier un de ces longs cris farouches que la rafale d'arrière-automne accompagne avec tant de triomphe obscur. Derrière lui, ses compagnons lancèrent de rauques appels, adouci et glorifié par la suave étendue brûlante. Il allait ouvrir tout grand son bec et leur répondre, mais il s'obligea au silence, car il tenait sur sa langue un gland de vieux chêne, choisi entre tous, qu'il venait de prendre au bord d'une fraîche prairie. Il ne voulait pas le lâcher, tant sa puissante saveur était vivifiante et sa maturité parfaite, le réservant pour une dernière gourmandise avant la brume du soir. Il aurait pu jeter quand même un cri, mais piètre, sans ampleur ni majesté. La journée restait limpide. Il volait pour le plaisir au ciel également bleu, où le nuage était à peine un duvet de cygne. Il gardait toujours la même distance qui le séparait de la bande fraternelle, et si quelque jeune au bec trop tendre osait le rejoindre, il donnait un coup violent de ses ailes qui le portait plus avant et signifiait qu'il voulait être seul comme un guide vénérable. Il lui plaisait de sentir l'âpre saveur du fruit de l'arbre. Il en avait souvent mangé, sans dédaigner des graines bien plus juteuses, de gros insectes dodus ou même des musaraignes, dont le museau affûté tremblote au vent de la peur. Environ le milieu du jour, il s'éleva davantage et toute la troupe avec lui. Et tous ensemble, ils se mirent à tourbillonner, à s'entrecroiser, à s'effleurer, à danser à leur guise de corbeaux, a fêté le blanc soleil qui perdait vite sa vigueur et semblait errer au bord des collines. Enfin, après des tournoiements et des balancements splendides, pour un monstrueux bal de ténèbres qui ravissait pourtant l'azur, le vieux corbeau entraîna ses partenaires vers le sol. Il aperçut une terre labourée, en bel éventail de sillons. Une jeune femelle vint tourner autour de lui. Elle savait qu'il aimait à lui offrir les larves friandes et le vermisseau que découvre la charrue. À cette invitation flatteuse, il ne put maîtriser un grand cri de joie, et le gland parfait qu'il tenait au bec tomba sur une motte de guéret, bien ameublie, auprès d'une secrète fontaine. Un moment, irrité d'avoir perdu ce fruit succulent, il se balança sur une onde rayonnante de l'air qui le repoussait agréablement les fines plumes du jabot. Mais bientôt, jetant en commandement rauque et tel un volant miroir d'ébène, il regagna les hauteurs bleues. Déjà le gland frémissait au bord du labour et du buisson de clôture, comme s'il devinait la fragile splendeur du jour. Avant le soir et l'habituel coucher dans les arbres, qui deviennent insensiblement noirs sur le ciel où s'attarde un peu d'azur, le vieux corbeau découvrit d'autres glands et les proposa au bec friand de sa troupe. Mais celui qu'il avait laissé tomber merveilleusement du ciel était attendu sans doute à travers des espaces insondables par une seule motte de sol. Le vent des pluies patientes souffla l'heureuse journée, et d'une clé rouillée aussi vieille que le monde ferma l'horizon. Des oiseaux invisibles firent entendre un bruit de verrou. Les arbres gracieux comme le tremble et le bouleau perdirent leur dernier feuillage. Les fontaines leur lumière, les buissons leur grain d'écarlate. L'herbe éteignit le feu des couleurs. Et le gland que le corbeau avait semé dans un cri de joie fut pénétré d'humidité virulente qui traversa la claire écorce vernie. La rafale devint si forte qu'elle le roula à l'abri d'une grosse touffe de mousse auprès d'une haie d'aubépine qui gardait le labourage. Après des jours et des nuits d'averse, il sentit peser le pas d'un lourd animal, mais la mousse et le terreau cédèrent pour lui laisser une place à sa mesure et protéger. Son écorce, enfin, craqua doucement, devint plissée, livide et jaunâtre. Sa pulpe se décomposa. Les musaraignes aux museaux curieux, les mulots le reniflaient seulement. Les vers à la bouche cornée, engourdis par la saison, le dédaignaient. Il exhalait une senteur de pourriture. Il se défaisait, il se mourait, il était mort. Il n'avait plus la moindre succulence, échappant ainsi à la dent pointue, à l'ignoble succion, qui pouvait le grignoter et le tuer avant les seules puissances incalculables de l'air et du sol. Il mourut en même temps que les mille et mille grains de froment que le paysan semeur avait lancé au sillon du voisinage. À Noël, il eut un petit bonnet de neige. La boule de mousse qui l'abritait s'alluma en fabuleuse lampe blanche. Un rouge-gorge vint crier et danser auprès de sa tombe, empourpré de sang indélébile au jabot. Les grands froids l'enfermèrent plusieurs semaines dans un réseau de cristal brut. Des jours et des jours, des nuits et des nuits passèrent encore. Et soudain, une lumière très aiguë et plus forte que tous les aciers le traversa. Et de sa pourriture misérable, commença de sortir le germe vivant, aussi blanc que le lait qui jaillit de la chair humaine. De nouveau, il y eut au fin fond du ciel un bruit de verrou. Le monde s'ouvrit tout entier. La hardiesse invincible du soleil annonça l'éveil annuel. Le germe durci perça la tête et tressaillit dans la puissance radieuse, les averses colorées, le vent, les ombres, au bord du champ où riait le blé en herbe. Après la moisson, l'arbre futur, dont le moindre hanneton aurait pu faire son déjeuner, s'accrut seulement de quelques lignes, caché encore par la mousse et la fougère, à l'abri du buisson verdoyant. À la saison des labourages, les corbeaux lancèrent au-dessus de lui leurs cris rocailleux. Un bœuf manqua de l'écraser en tirant le soc jusqu'à la lisière. Encore une fois, il fut baigné d'azur pâle. Les longues bourrasques revinrent avec les figures d'une chagrine lune en pleurs et souffletées de nuages. Des feuilles mortes le couvrirent justement et l'environnèrent de l'odeur âcre d'une saison qui descend au mystérieux sépulcre. Et sans avoir été semé par la prudente main paysanne, sans doute par une faveur des astres, deviendrait-il assez fort et grand pour abriter les aveux d'un jeune couple de bergers, le sommeil d'un vieux moissonneur au feu de midi et les premiers pas d'un petit enfant des hommes. C'était « Naissance d'un arbre » par Charles Sylvestre.